بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa Kitab al-Aziz. La semaine dernière, on avait entamé le livre des serments et des vœux. On avait donné l'explication ou la définition du terme al-Ayman. Al-Ayman, qui dans la langue arabe, c'est-à-dire les serments, d'où provient le mot Al-Ayman? Il est puisé de quel mot? De Al-Yamin, Dieu, la main droite, car à l'époque, il se serrait la main droite en guise de pour valider et concluer leur serment. Quelle est la définition en islam d'un serment? Naam. Appuyer une chose avec le nom d'Allah. Hassan, c'est appuyer une chose, attester une chose par le nom d'Allah ou par un des noms d'Allah ou bien par un de ses attributs. D'attester une chose par le nom d'Allah ou par l'un de ses attributs. C'est le serment qui est. C'est la définition du serment en islam. Et on avait dit que le serment ne pouvait être contracté que par le nom d'Allah, c'est-à-dire le nom propre d'Allah, dont lui seul a le droit d'être doté. Personne d'autre n'a le droit de s'appeler Allah. Quant aux autres noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, As-Sami' al-Basir, etc., etc., ce sont des noms qui viennent suivre le nom propre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est autorisé aux créatures de s'appeler, aux êtres humains de s'appeler par exemple Abdul Aziz, non, mais il est reçu également de, il aurait autorisé de s'appeler Karim par exemple. De s'appeler Karim, de s'appeler Aziz, de s'appeler Majid, etc. Mais de ne pas s'appeler Al-Majid. Non pas le majestueux, non pas le saint, etc., mais cela est autorisé de façon indéfinie, lorsque le nom est indéfini. Quant au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, personne n'a le droit de s'appeler ainsi. Et on avait vu les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, qui ordonnait de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala, et on a vu entre autres le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris à Omar lorsqu'il jurait par son père. Il a dit man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut, que celui qui jure, qu'il jure par Allah ou bien qu'il se taise. Et l'auteur avait utilisé ce hadith pour prouver que l'on doit jurer par, ou qu'il est autorisé de jurer par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle preuve a-t-il utilisé pour attester qu'il est autorisé également de jurer par un des attributs d'Allah Azza wa Jal? Naam, c'est comme le hadith où l'enfer s'est plaint. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal a posé son pied, qu'est-ce que l'enfer a dit? Qattun, qattun wa izzatik. Ça suffit par ta puissance. Par ta puissance. L'enfer a ici juré par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un de ses attributs. Ensuite, on avait parlé de l'interdiction de jurer par autre qu'Allah, et que le fait de jurer par autre qu'Allah était considéré comme du shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man halafa bi ghayri Allah faqad kafara aw ashrak. Est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça ou est-ce que c'est le doute ici? Il a mécru ou il a associé? Non, c'est le rawi. On a dit que c'était le rapporteur qui a douté entre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il a dit. Il a mécru ou il a associé. Ouais, quelle est la différence entre al-kufr ou al-shirk? Tu as dit quoi? Si quelqu'un vous dit quelle est la différence entre le kufr et le shirk? Le kufr, c'est la mécréance. Le shirk, c'est l'associanisme. Ça dépend du type de shirk. Oui, si on parle du grand shirk. Non. Le kufr, c'est une croyance. Le shirk, c'est une association. Le kufr, c'est une croyance. Et le shirk, c'est une association. Le kufr, c'est une croyance, c'est-à-dire. C'est-à-dire, il ne croit pas en Allah. Donc, il croit en autre que lui. Non. Mais shirk, c'est associé, car il croit en Allah, mais il associe quelqu'un avec Allah. Non. On peut dire ça, mais la rajih, c'est que en islam, kullu kafirin mushrik wa kullu mushrikin kafir. En islam, kullu kafir et mushrik, wa kullu mushrikin kafir. En islam, tout mécréant est polythéiste, et tout polythéiste est mécréant. Quelle est la preuve? Quand on dit quelque chose, on ramène la preuve, non? En langue arabe, il y a un istilah, le sens dans la langue arabe, al-shirk, c'est celui qui adore autre qu'Allah. Et al-kufr, c'est celui qui renie Allah subhanahu wa ta'ala, qui renie son existence ou qui se refuse de l'adorer. Par exemple, un athée. Un athée, en langue arabe, c'est un quoi? C'est un polythéiste ou c'est un mécréant? C'est un mécréant. On ne peut pas dire que c'est un associaniste. Pourquoi? Parce que il n'adore pas une autre divinité. Mais en islam, cette personne-là, cet athée, on dit que c'est un mushrik. On dit que c'est un mécréant, mais en plus que c'est un polythéiste. Car tout polythéiste est mécréant et tout mécréant est polythéiste. Quelle est la preuve? Non? In ashrakta la yahbatan amaluk. In ashrakta. Wa la takuna min al-khasirin wa al-khasirin al-kafirun wa. Non, mais ça c'est pas sarih. C'est pas sarih. Ici c'est la preuve que les mouchilikons sont des koufars. Mais quelle est la preuve qu'un kafir soit un mouchilik? Il y a des preuves que les koufars c'est des mouchilikons, que les mouchilikons c'est des koufars, il y en a plein. Mais quelle est la preuve que les mouchriquins c'est des koufars? Ou plutôt que les koufars c'est des mouchriquins? Il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa dallahu Allahu ala ilm. N'as-tu pas vu celui qui a pris ses passions comme divinité? Donc, toute personne qui mécroit en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'elle a pris comme divinité? Ses passions. Donc, il est considéré comme un mouchriq. Soit il adore une autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, la question ne se pose pas. Et s'il n'adore pas autre qu'Allah, mais qu'il se contente de mécroire, eh bien, il a pris comme divinité en dehors d'Allah ses passions. Taïb. Donc on avait dit que Al-Halif était considéré comme, juré par autre qu'Allah, était considéré comme une petite mécréance ou une grande mécréance en fonction de l'intention qu'a celui qui a juré vis-à-vis de ceux sur lequel il a juré. Et si une personne a juré par autre qu'Allah en considérant que cette chose autre qu'Allah est équivalente à Allah, voire meilleure, dans ce cas-là, c'est du shirk. Mais s'il a juré par autre qu'Allah tout en attestant que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite d'être adoré, etc., dans ce cas-là, c'est du shirk asra. Non? Si? Si, puisqu'il a, il a pris sa, ses passions, une divinité en dehors d'Allah. S'il a, il a, il a juré, il a insulté Allah, est-ce qu'il n'a pas suivi ses passions en faisant cela? Donc il est mouchérik. Non. Donc ça c'est istilahan, je dis bien ça c'est en islam. Après, dans la langue arabe, on peut trouver, on trouve une différence entre mouchérik et al-kafir. Ils en parlent. Cheikh Al-Bataymi en parle. Cheikh Al-Albani il en parle beaucoup dans ses cassettes. Kullu kafirin mushrik, kullu mushrikin kafir. Cheikh Ibn Uthaymin aussi également. Non, mais Cheikh, c'est quelque chose qui est connu chez eux, ça. Non. Et je ne l'invente pas de moi-même. C'est-à-dire, il ne sait pas. Non, après, si c'est du kufr asrar, là on parle pas de shirk. Là je parle du kufr akbar. Moi je parle de celui qui a mécru, une grande mécréance. Parce qu'il y a le kufr dans le kufr, il y a la petite mécréance comme il y a le petit associanisme. Et là, lorsque l'on parle de tout mécréant et polythéiste, c'est-à-dire tout mécréant qui sort de l'islam est considéré comme un polythéiste qui sort de l'islam. طيب يقول المؤلف وكتن إن شاء الله شبهة وجوابها يعتذر البعض عن حلفهم بغير الله أنهم يخافون الكذب مع قول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. نعم الحديث أبو هريرة كنا في كسلي كي جير par autre qu'Allah qu'ils disent لا إله إلا الله كسلي كي جير par اللات باللات والعزة par les divinités qui étaient adorées, qui étaient les plus importantes chez les polythéistes de Mecca, chez les polythéistes de Quraysh, le professeur Hassan m'a dit de dire la ilaha illallah. Et ainsi doit faire celui qui a juré par autre qu'Allah, même s'il ne jure pas par une divinité, mais par autre qu'Allah, il doit faire précéder sa parole de la ilaha illallah, en guise de bonne action qu'il fit suivre après avoir fait une mauvaise. Et celui qui dit à son compagnon je veux faire le qimar avec toi, on avait expliqué la signification de le qimar, le jeu de hasard, qu'il fallait être sadaq, qu'il donne en aumône. Et il y avait deux paroles des savants. Certains disent qu'il donne en aumône la somme qu'il avait l'intention de miser, et d'autres savants ont dit qu'il donne en aumône une somme qu'il considérera comme suffisante pour se faire pardonner ce péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Shubhatun wa jawabuha. Donc, une ambiguïté ou une problématique et la réponse à celle-ci. يعتذر البعض عن حلفهم بغير الله أنهم يخافون الكذب مع قول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وجواب هذه الشبهة ما رواه مسعر ابن كدام عن وبرة ابن عبد الرحمن قال عبد الله. من عبد الله؟ ابن مسعود. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أما الآية فمعناها كما ذكر ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس قال لا تجعلن عرضة ليمينك إلا أن تصنع الخير أن لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وقال ابن كثير وكذا قال مسروق والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد والطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي رحمهم الله. Donc ici il y a l'ambiguïté que l'auteur cite et après, par laquelle il répond ensuite. Certains s'excusent de jurer par autre qu'Allah en disant qu'ils ont peur du mensonge. Et ils utilisent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et n'usez pas du nom d'Allah dans vos serments. Wa la taj'alou Allaha 'urdatan li aymanikum. N'usez pas du nom d'Allah dans vos serments. Et certains disent que moi je préfère ne pas jurer par Allah parce que si je mens, ce sera quelque chose de grave. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, et n'usez pas du nom d'Allah dans vos serments. N'usez pas du nom d'Allah dans vos serments. Et la réponse à cette ambiguïté est la parole d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui dit de jurer par Allah en étant menteur est meilleur ou est préférable pour moi que de mentir par autre qu'Allah est préférable pour moi que de jurer par autre qu'Allah en étant véridique. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: il m'est préférable de jurer par Allah en mentant que de jurer par autre qu'Allah en disant la vérité. Et quant au verset, son sens, comme l'a cité Ibn Kathir selon Abdullah ibn Abbas, c'est-à-dire لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. Le sens de ce verset, c'est n'use pas du nom d'Allah dans tes serments pour ne pas faire de bien, mais expie ton serment et fais ce bien. Le sens du verset, c'est quoi? C'est n'usez pas du nom d'Allah pour ne pas faire de bien. Comme l'a dit Allah Azza wa Jalla, quand on regarde la suite du verset, وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. N'usez pas du nom d'Allah dans vos serments pour ne pas faire de bien, pour ne pas être pieux et pour ne pas réconcilier entre les gens. Car certains, pour ne pas faire de bien, vont utiliser le nom d'Allah. Par exemple, je jure par Allah que je ne prierai plus à la mosquée. Ici, il a utilisé le nom d'Allah. Pourquoi? Pourquoi faire un bien? Comme l'a dit Abdullah ibn Abbas, لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير. N'use pas du nom d'Allah dans tes serments pour ne pas faire le bien. La walakin, mais qu'est-ce que tu dois faire? Kaffir 'an yaminik wasna' al-khayr. Quand tu as juré par le nom d'Allah de ne pas faire quelque chose de bien, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois expier. On verra par la suite comment expier son serment, et tu dois faire ce bien. Et tu dois faire ce bien. Et d'autres ont dit non. Et ceux qui utilisent ce verset comme ambiguïté, ils disent je préfère ne pas jurer par Allah. Je préfère ne pas jurer par le nom d'Allah, car si je jure par le nom d'Allah et que je mens, c'est quelque chose de grave. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est beaucoup plus grave que de jurer par autre qu'Allah en étant véridique. Et ensuite, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a rapporté la parole de différents salafs, dont la plupart, ou même la quasi-totalité de ceux qu'il a cités, sont des tabi'in. Sont les tabi'in. Masruq al-Shu'bi wa Ibrahim al-Nakha'i. Ibrahim al-Nakha'i était connu comme étant un des plus grands parmi les tabi'in. Rahimahumullah ta'ala. يقول المؤلف من حلف بملة غير الإسلام. Celui qui jure par une religion autre que l'islam. عن ثابت بن ضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. حديث متفق عليه. Selon Thabit ibn Dahak, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure par une religion autre que l'islam, en mentant et en le préméditant, c'est-à-dire en étant conscient, فَهُوَ كَمَا قَالَ, il sera alors comme il l'a dit. Qu'est-ce que ça veut dire jurer par autre que la religion de l'islam? Par exemple, celui qui dit, je suis un juif, si jamais c'est pas ça. Ce que je te dis, c'est vrai, et si c'est pas vrai, je suis un juif. Le professeur Sam a dit, Man halafa bi millati ghayri al-islam, celui qui jure par une religion autre qu'Allah, en mentant et en étant conscient, fahuwa kama qala, alors il sera comme il a dit. Wa la'yadu billah, il sera comme il a dit. S'il a dit qu'il serait un juif, alors il est un juif. Et s'il a dit qu'il serait un chrétien, alors il est un chrétien. والعياذ بالله. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إليه الإسلام سالما. Ensuite, Abdullah hadith rawahu Abu Dawood wa Nasa'i wa Ibn Majah. Et selon Abdullah ibn Buraida, selon son père, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit je me désavoue de l'islam, s'il est menteur, alors il est comme il a dit. Et s'il est véridique, alors l'islam ne reviendra pas vers lui sain et sauf. Yani, ne reviendra pas vers lui en étant complet. Ici dans le hadith de Abdullah ibn Buraida, selon son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui dit je me désavoue de l'islam. Autrement dit, c'est lui qui, lorsqu'on lui dit quelque chose ou lorsqu'il veut attester quelque chose, il dit, si ce que je dis n'est pas vrai, ou j'ai fait ça, et si je mens, je me désavoue de l'islam. Autrement dit, si je mens, je sors de l'islam. Je ne suis pas un musulman. Si ce que j'ai dit là, ce n'est pas vrai, je ne suis pas un musulman. Pour montrer que, effectivement, ce qu'il a dit, c'est vrai. Le professeur Hassan a dit, s'il a menti, alors il sera comme il a dit. C'est-à-dire qu'il sortira de l'islam. Et si il a dit vrai, alors l'islam ou son islam ne sortira pas de cette parole, son islam ne sortira pas de cette parole intacte. Son islam sera détérioré, sa religion sera détériorée. Il aura fait un péché. Et il aura toujours un manque, wal'iyadu billah. Et on comprend de ce hadith du prophète sallam qu'il est interdit de jurer par une autre religion que l'islam et qu'il est interdit de se désavouer de l'islam même quand tu es véridique. C'est quelque chose qui ne doit pas sortir de ta bouche. Si tu mens, les conséquences sont très graves. Mais si tu as dit vrai, là aussi tu as fait un péché. Car la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que son islam ne reviendra pas vers lui intact, ça prouve qu'il y aura un manque quelque part et que c'est quelque chose dont il faut s'abstenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Lam ya'ud ilayhi l'islamu salima » Son islam ne reviendra pas vers lui en étant intact. C'est-à-dire qu'il aura un manque. « Wala yad billah » Et pour menteur, on peut comprendre que c'est un murtad. Allahu a'lam. On dit comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa huwa kama qal. Même si on pose la question, il dit ça. Fa huwa kama qal. Non. Man hulifa lahu billahi falyarda. Le chapitre de celui. Et si quelqu'un jure, alors l'on doit être satisfait. Si quelqu'un jure devant nous de quelque chose, on doit accepter son serment et accepter ce qui en découle. An ibn Umar qala sami'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam rajulan yahlifu bi abihi fa qala la tahlifu bi abaikum. من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى بالله فليس من الله. حديث صحيح رواه ابن ماجه. سنة عبد الله بن عمر il dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme juré par son père et il a dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne jurez pas par vos pères, que celui qui jure par Allah, qu'il soit véridique. Et celui à qui on jure, qu'il soit satisfait. Et celui qui n'est pas satisfait d'Allah, Allah se désavoue de lui. Et celui qui n'est pas satisfait d'Allah, Allah se désavoue de lui. Hadith authentique apporté par Ibn Majah. Donc ici, le prophète sallam a interdit de jurer par les pères. Il a ordonné, lorsque l'on jure par Allah, d'être véridique. et que celui à qui on a juré doit être satisfait. Est-ce que tu as fait cela ? Non, je ne l'ai pas fait. Wallahi. Car en islam, la règle c'est que al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wa al-yaminu 'ala man ankar. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i, c'est-à-dire que la preuve doit être apportée par celui qui prétend quelque chose. Et al-yaminu 'ala man ankar, et le serment doit être fait par celui qui nie ou celui qui renie quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui dit un tel m'a fait ci. Ils vont devant un juge. Le juge dit, laisse la parole à celui qui prétend, un tel m'a pris tant d'argent, m'a fait ci, m'a fait ci, m'a fait ça. Le juge va lui demander, al-bayyina, la preuve, quelle est la preuve de ce que tu dis ? Est-ce que tu as une preuve qui vient soutenir ta parole, ce que tu prétends ? S'il a une preuve, alhamdulillah, s'il n'a pas de preuve, celui qui dit non, c'est pas vrai, il ment, je lui ai rien pris, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit jurer. Il doit jurer. Et celui qui jure, lorsqu'on lui demande de jurer, et qui jure en reniant quelque chose, et qui jure par Allah subhanahu wa ta'ala, on doit être satisfait de son serment. On dit khlas, t'as juré, c'est bon. Qul yal amru ladhi fihi tastaftiyan. Le jugement est fait, c'est bon. Si l'autre n'en met pas la preuve et que lui jure qu'il ne l'a pas fait, l'affaire est close. C'est clair ? Non ? Non. Celui qui ? Non. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal-yaminu 'ala man ankar. Et le serment doit être fait par celui qui renie. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال أسرقت؟ قال لا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت بصري. حديث متفق عليه. نعم. فليس من الله يعني الله بريء منه كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنتي فليس فليس مني. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de lui. Wa al-'iyadu billah. Et selon Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Isa ibn Maryam a vu un homme voler. Il lui a dit, c'est-à-dire Isa ibn Maryam a dit à cet homme, as-tu volé ? Il a dit non, je jure par celui dont il n'y a de vraie divinité qu'autre que lui. فقال عيسى عيسى بن مريم قال je crois en Allah et je considère que ma vue a menti. وكذبت بصري et je considère menteur ma vision ou ma vue. طيب dans l'exemple qu'on a donné entre celui qui prétend quelque chose, qui prétend qu'on lui a volé quelque chose, et l'autre qui renie. Si celui qui prétend est un musulman, et celui qui renie est un non-musulman, qu'est-ce qu'on fait ? Hein ? On croit le musulman ? Ou on fait jurer le non-musulman ? Non ? Bah justement, c'est la question. Sur quoi jure un... Quand on a besoin de faire jurer un chrétien, on le fait jurer sur quoi ? Sur ce qu'il croit, lui, non ? Sur ce qu'il croit. Non ? Et si on le fait jurer par Allah, il est le problème ? Non ? Si on fait jurer par Allah, qu'est-ce qu'il va dire à l'autre ? Vas-y, mais attends, tu fais jurer par Allah, il ne croit même pas en Allah. Il va jurer 1000 fois par Allah. Mmh. Non ? Il apporte la preuve. Il n'a pas apporté la preuve, ironie. C'est celui qui prétend qu'il doit apporter la preuve, pas celui qui nie. En islam, c'est celui qui prétend quelque chose qui doit apporter la preuve, et c'est celui qui nie, qui dit c'est pas moi, il doit jurer. C'est pas celui qui renie d'apporter la preuve. Alors on fait quoi? Non, il n'a pas la preuve. S'il aurait la preuve, celui qui prétend, il ne doit pas jurer. Ça ne suffit pas de jurer, d'apporter une preuve. Non, ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-bayyinatu ala al-mudda'i wa al-yaminu ala man ankara. Ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas. Justement, ce que je vous demande, est-ce qu'on a le droit de faire jurer un chrétien par Allah? Parce que les savants disent, on doit faire jurer un chrétien par Allah et un juif. Même si on dit, mais il ne croit pas, on le fait. Car Allah subhanahu wa ta'ala s'occupera de lui. Il a juré par Allah, mais Allah ne le laissera pas s'il a menti. Et on verra les hadiths sur ça après, inshallah. Hein? Non. Les deux ont fait jurer. Sur. Quand l'homme traite la femme de. Non, mais là, c'est un cas précis celui-là. C'est un cas précis où il y a un had al-qad. Et là, on est obligé d'écouter l'autre. Même si. Il apporte une preuve, mais il n'apporte pas une preuve suffisante. C'est pour ça que s'il ne ramène pas au moins 4 témoins, il doit jurer. Il doit faire al-mubahala. Se maudire et demander la malédiction d'Allah sur lui s'il est menteur. Non. Il y a un verset dans le Coran qui prouve que on a le droit de faire jurer un non-musulman par Allah. Qui le connaît? C'est très subtil. Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Al-Ma'idah: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذن Lamina al-Athimi. Alors, Azzawajal a dit dans Surat al-Ma'ida: ô vous qui avez cru, shahadatu baynikum idha hadara ahadakum al-maut. Que lorsque l'un d'entre vous est en train d'agonir, il doit faire témoigner son testament. Shahadatu baynikum idha hadara ahadakum al-maut. Hina al-wasiyya. Ithnani dhawa adlim minkum. Vous devez faire attester deux parmi vous des personnes qui sont justes. In antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Naam. Aw akharan min ghayrikum. Shahadatu bainakum idha hadara ahadakum al maut. Shahadatu bainakum idha hadara ahadakum al maut hina al wasiyyati ithnan dawa 'adlin minkum. C'est-à-dire deux parmi vous qui sont justes, ou deux autres qui ne font pas partie de vous, à savoir qui ne sont pas musulmans. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit: In antum darabtum fil ard. In antum darabtum fil ard. C'est quoi, darbu fil ard? C'est le voyage. Lorsque vous êtes en voyage. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فأصابتكم مصيبة الموت et que vous êtes en train d'agonir. Ici Allah Azza wa Jal nous dit que lorsque l'on fait un testament, on doit le faire témoigner. On doit faire témoigner le testament par deux personnes justes. Et lorsque l'on est en voyage et que l'on agonise en étant en voyage, on doit faire attester deux personnes, musulmanes justes. Mais s'il n'y a pas de personnes musulmanes justes, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en voyage, où les musulmans ne sont pas disponibles, et qu'il y a avec lui deux personnes qui ne sont pas musulmanes? Allah Azza wa Jalla dit Aw akharani min ghayrikum, ou bien deux autres qui ne font pas partie de vous, autrement dit qui ne sont pas musulmans. Si vous ne trouvez pas, alors que vous agonisez en voyage, deux musulmans en guise de témoins, alors prenez deux koufars, deux non-musulmans. فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous les arrêtez après la prière. Vous les arrêtez, c'est-à-dire vous arrêtez ces deux mécréants qui ont pris comme témoin le testament de ce musulman. Lorsque vous arrivez en ville, de les prendre après la prière. Et ici, les savants ont dit Ey, ba'da salati al-asr. Après la prière de l'asr. Et les savants ont déduit que lorsque tu veux faire jurer quelqu'un, le mieux c'est de le faire jurer après la prière de l'asr. Fayuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamana walau kana dha qurba. Fayuqsimani billahi. Et lorsque vous les prenez, après la prière de l'asr, vous les faites jurer par Fayuqsimani billah. Faites-les jurer par Allah. In irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba. Que nous ne renierons pas ce témoignage et nous n'accepterons pas d'argent, même si ce sont les plus proches. Autrement dit, même si c'était les personnes les plus proches d'eux qui leur demandaient de l'argent pour falsifier leur témoignage, qu'ils ne le fassent pas. Ils doivent jurer par Allah de cela. Ils doivent jurer par Allah que ce qu'ils ont attesté, le testament dont ils ont été témoins, qu'ils ne doivent pas modifier ni falsifier ce témoignage. Même si on leur propose de l'argent, et même si ce sont les personnes les plus proches d'elles qui leur proposent cet argent. إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله. Et nous ne cacherons rien dans le témoignage d'Allah. إن إذا لمن الآثمين. Car si nous faisons cela, nous ferons à leur partie des personnes qui seront blâmables. Et ici, les savants ont déduit que on a le droit de faire jurer des non-musulmans par le nom d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est clair ou c'est... C'est clair. Bien sûr. La parole est chargée par autre qu'Allah. Mais la bonne, quand la personne en agonise, elle doit ramener des musulmans. Quand tu fais un testament, c'est-à-dire que tu vas écrire des choses, par exemple, tu as le droit de, quand tu agonises, de donner le tiers, au maximum le tiers de tes biens. Mais tu as par exemple le droit d'écrire par exemple que je dois telle somme d'argent à un tel, ou un tel me doit telle somme d'argent. On verra inchallah dans le livre du testament tout ce que la personne doit mettre dans son testament. Dans ton testament, tu dis ce que tu veux, ce que tu désires, les personnes envers qui tu es endetté, les personnes qui ont une dette vis-à-vis de toi, les personnes à qui tu désires faire un bien dans fi hudud al-thuluth, dans la limite du tiers de tes biens, etc., etc. Et tout ceci, lorsque tu l'écris, tu dois le faire attester, et les personnes doivent témoigner de cela. Ça, c'est juste avant ta mort ou bien n'importe quoi? Non, tu le wasiya. Ça, c'est avant la mort. On verra, inshallah, tous ces détails dans Bab al-wasiya, inshallah. أقسام اليمين تنقسم الأيمان أقساما ثلاثة: اليمين اللغوي، اليمين الغموس، اليمين المنعقدة. Il y a trois sortes de serments. Les serments sont de trois sortes. La première, اليمين اللغوي. اليمين اللغوي, c'est le serment. On peut dire le faux serment. C'est un faux serment. C'est-à-dire que c'est le serment de quelqu'un qui n'avait pas l'intention de faire un serment. les termes sont les termes d'un serment, mais il n'a pas l'intention du tout, il n'avait pas l'intention de faire un serment lorsqu'il l'a dit. Al-Yamin al-Ghamous, qui celui-là est le serment mensonger. Le serment mensonger avec préméditation. Al-Yamin al-Ghamous. Et il y a Al-Yamin ou Al-Mun'aqida, qui est le serment contracté. Le serment contracté. Al-Yamin al-Laghwi wa hukmuha. Donc l'auteur explique la première partie qui est, ou la première sorte qui est Al-Yamin al-Laghwi, le faux serment et son jugement. Laghwu al-Yamin huwa al-halifu min ghayri qasd al-Yamin. كقول الرجل والله لتأكلن أو لتشرب والله لتأكلن أو لتشربن ونحو ذلك لا يريد به يمينا ولا ينعقد هذا اليمين ولا يؤاخذ به الحالف قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وقال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وعن عائشة رضي الله عنها لا يؤاخذكم الله باللغو قالت أنزلت في قوله لا والله وبلا والله حديث أو أثر صحيح رواه البخاري دونك لغو اليمين c'est le fait de jurer sans avoir l'intention de faire un serment. Comme le fait qu'un homme dise « Wallahi, tu vas manger » ou « Wallahi, tu vas boire » ou toute autre chose similaire dont la personne n'avait pas l'intention de faire un serment. Et si tu as un invité, par exemple, qui refuse de manger ou autre, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que beaucoup de gens disent? Par Allah, tu vas manger. Ou par Allah, tu vas le boire. D'accord? Ici, la personne, quand elle dit cela, est-ce qu'elle le dit pour forcer la personne à manger, à boire, ou est-ce qu'elle le dit en ayant l'intention de contracter un serment avec Allah subhanahu wa ta'ala? Pour forcer à manger. Donc, c'est une parole qui est dite dont le serment n'est pas voulu. Et l'intention n'est pas de faire un serment. Et l'auteur dit وَلَا يَنْعَقِدُ هَذَا الْيَمِينَ وَلَا يُؤَخَذُ بِهِ الْحَالِفِ. Et ici, l'auteur dit et celui qui a le serment n'est pas contracté. Le serment n'est pas contracté et celui qui a juré n'est pas blâmé. Et celui qui a juré n'est pas blâmé. Et les savants entrent dans Yamin al-Laghwi un autre cas que le temps n'a pas cité, qui est le fait de jurer sur une chose passée en pensant effectivement que c'était vrai. Par exemple, tu te rends par exemple dans la boutique en bas de chez toi, tu achètes un produit et le marchand te dit j'espère que tu n'as pas oublié que tu as 10 euros en crédit. Si la personne dit non, wallahi non, j'ai pas 10 euros en crédit, je les ai donnés, qu'est-ce que tu racontes? Par Allah, c'est vrai, je les ai donnés. Et le marchand sort son cahier en disant voilà, tel jour tu m'as donné, tel jour tu m'as donné, tel jour tu m'as donné, mais là, les 10 euros, tu ne les as pas donnés. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, smahli et tout. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit expier son serment ou est-ce que là on considère que c'est. Il entre dans la catégorie de l'arou al-yamin. Ah ou yamin al-yamin ou l'arou. L'arou al-yamin, pourquoi? Car les savants disent que lorsqu'une personne jure sur une chose passée, en étant véridique et que par la suite il lui apparaît que la chose sur laquelle il a juré n'est pas véridique, il n'a pas de kafara à faire. Pourquoi? C'est-à-dire, quand il a juré, il était persuadé. Pour lui, c'était. Il était persuadé que qu'il l'avait fait. Et il n'avait pas l'intention de mentir et de, d'esquiver cette dette qu'il avait vis-à-vis de ce marchand. S'il a menti, là, ça rentre dans Al-Yamin al-Ramous. C'est le sujet qui vient après. Non. La preuve que cela, que la personne qui fait ce genre de faux serment n'est pas blâmée, et la parole d'Allah Azza wa Jal, dans deux versets, le premier dans Surat al-Baqarah, et le second dans Surat al-Ma'idah, le premier dans Surat al-Baqarah, le verset 225. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. Allah ne vous sanctionne pas pour des choses futiles dans vos serments, mais il vous sanctionne pour بما كسبت قلوبكم, pour ce que vos cœurs ont acquis. Yani, il vous sanctionne pour ce que vous avez, les choses sur lesquelles vous avez juré en ayant l'intention effectivement de faire un serment, en ayant l'intention effectivement de faire un serment. Et l'autre verset dans Surat al-Ma'idah, le verset 89, Allah ne vous sanctionne pas pour les futilités dans vos serments, mais pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. Mais pour les serments, walakin yu'akhidukum bima 'aqadtum al-ayman. C'est-à-dire les choses dont les serments dont vous avez juré en étant conscient et en prenant l'engagement d'exécuter ce serment. Car effectivement, c'est un serment. Et vous en prenez la responsabilité. C'est là où, si ce serment n'est pas respecté, Allah subhanahu wa ta'ala vous sanctionnera. Non. Ça veut dire qu'on peut pratiquer comme ça, quoi. Et pour éviter. Il n'y a pas de. Il n'y a pas, à partir du moment où l'intention n'est pas là et que c'est quelque chose qui est de coutume, c'est pas considéré comme un hadith. Il n'y a rien qui l'interdit. La preuve, c'est le hadith de Aïcha qui vient expliquer justement la parole d'Allah Azza wa Jal. Allah ne vous sanctionne pas dans les choses futiles de vos serments. Qalat, anzalat, fi qawlihi la wallahi, bala wallahi. Non par Allah et si par Allah. C'est-à-dire de jurer que c'est vrai et de jurer que ce n'est pas vrai. Des choses que les gens disent et sans qu'ils aient le besoin de le dire, et c'est des paroles qui font partie de leur façon de parler. C'est plus une façon de parler qu'un serment. Et tout ce qui est utilisé comme une parole et ça fait partie du langage de la personne, et dont elle n'a aucunement l'intention de contracter un serment, alors elle rentre dans ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit la yu'akhidukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum. Allah ne vous sanctionne pas dans les futilités de vos serments. Wadih? Mais on ne pourrait pas dire qu'il y a le hadith avant, non? Man kana yahlif, man kana halifan falyahlif billah wa yasmut. Non, man kana halifan. Celui qui jure. Elle a dit, non? Non. C'est un faux serment. C'est-à-dire que les termes sont les termes du serment, mais l'intention, ce n'est pas l'intention du serment. Tout dépend du niyyah. Donc dans ce cas, si la personne elle ne mange pas, c'est pas un problème. Donc dans ce cas, si. Naam, si par exemple, dans le cas où on a dit la personne qui a invité dit par Allah, il dit à son invité Wallahi, tu vas manger, et que par exemple, l'invité, lui, c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Il est allergique. Qu'est-ce qu'on dit? On dit à celui qui a juré, tu fais le kafara? Non, parce qu'il n'a pas. Il a dit ça pour insister, non pas pour jurer, contracter un serment avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas obligé, parce qu'en général, nos parents, quand ils disent, ouais, j'ai juré que tu allais faire cette chose, tu vas la faire, parce que si tu la fais pas, et ben, je vais jeûner trois jours. Souvent, nos parents, ils disent ça. Non, moi, tu vas manger. Tout dépend de l'intention. Ah ouais. Tout dépend de l'intention. Si effectivement, il avait l'intention de. Que c'est un serment et que si la personne ne le fait pas, qu'il serait redevable de quelque chose, là oui, là il doit. Est-ce que c'est pas une obligation pour que la personne le fasse? La personne a juré, mm-hmm. telle personne allait faire telle chose, telle personne qui devait faire telle chose, est-ce que c'est une obligation pour elle de faire la chose parce que l'autre avait la juré? Parce que non. En général, les parents ils le disent. S'ils le disent, les taqit, s'ils le disent pour appuyer quelque chose, c'est pas un yamin. Tout dépend de l'intention. Avec l'intention, elle va jouer aussi beaucoup, même dans la chose sur laquelle tu jures, que là aussi l'intention elle joue. Al-yamin ul-ghamous wa hukmuha. Al-yamin ul-ghamous wa hukmuha. Donc ici, c'est la deuxième catégorie de serment, qui est le serment mensonger avec préméditation. Al-ghams, mais fil l'ugha, ma'nahu ghattu shay'i bi shay'i. Yani al-ghams en langue arabe, ça signifie recouvrir quelque chose par autre chose. Recouvrir quelque chose par autre chose. Donc ici, l'auteur dit هي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق أو التي يقصد بها الفسق والخيانة وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار وهي من أكبر الكبائر لا كفارة فيها لأن الله يقول ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وهذه يمين غير منعقدة لأن المنعقد ما يمكن حله ولا يتأتى في اليمين الغموس البر أصلا قال تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم قال الطبري رحمه الله معنى الآية لا تجعلوا أيمانكم التي تحلفون بها على أنكم توفون بالعهد لمن عاهدتموه دخلا أي خديعة وغدرا ليطمئنوا إليكم وأنتم تضمرون لهم الغدر انتهى. Donc l'auteur dit, en donnant la définition de l'yamin al-ghamous, c'est le serment mensonger التي تهضم بها الحقوق, par lequel les biens et les droits sont bafoués. Ou التي يقصد بها الفسق والخيانة, ou les serments dont il est voulu de la perversité et de la trahison. Donc c'est le fait de mentir pour s'approprier le bien de quelqu'un, c'est-à-dire c'est de jurer en mentant dans le but de s'approprier le bien de quelqu'un ou dans le but de faire du fisq, dans le but de faire de la perversité ou dans le but de trahir. Et les savants ont rajouté également, c'est le fait de jurer sur quelque chose de passé. C'est de jurer sur un fait passé en mentant tout en sachant que le ment. Et sort de cette définition toutes les choses futures. Les choses futures ne sont pas considérées comme al-yamin al-ghamous. Par exemple, de dire Wallahi, je ferai cela. En mentant. En sachant qu'il ne va pas le faire. Ici, ce n'est pas considéré comme al-yamin al-ghamous. C'est considéré comme. C'est la troisième catégorie qui est. Al-yamin ul-mun'aqada, ce n'est pas considéré comme un serment mensonger avec préméditation. Pourquoi? Car tu parles de choses futures. Et la gravité de al-yamin ul-ghamous, c'est justement que tu jures sur quelque chose qui est passé, que tu as fait, que tu as réellement fait, et tu jures par Allah que tu ne l'as pas fait. Et ceci pour prendre le bien de quelqu'un. Ou pour faire une perversité, ou pour trahir quelqu'un. Les exemples, il y en a beaucoup. Tu as volé quelque chose, par exemple, et tu jures par Allah que tu ne l'as pas volé. Tu jures par Allah que tu ne l'as pas fait, alors que tu l'as fait. Et pourquoi est-ce que tu jures? Pour garder cette chose que tu as volée. Et là tu rentres dans al-yamin al-ghamous. Pour ceux qui jurent, surtout les jeunes, quand ils ont fait des péchés, tu lui dis non, Allah, je ne l'ai pas fait. En sachant que lui, il a fait ce péché, mais il jure qu'il ne l'a pas fait. Ça, c'est un yamin ramos. Là, tu rentres dans l'yamin ramos. Wasumir bidalik, et elle est appelée comme cela. Ce serment est appelé ainsi. Liannaha tarmisu sahibaha في الإثم ثم في النار. Pourquoi est-ce que ce serment est appelé ainsi? Car il plonge celui qui a juré dans le mal, puis en enfer. Il le plonge dans le mal, dans cette vie d'ici-bas, car il persiste dans son péché. Il persiste dans son péché, et il plongera le jour du jugement et dans la vie de l'au-delà en enfer. وَهِيَ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. Et Al-Yamin al-Ghamous, le serment mensonger avec préméditation, fait partie des grands, des plus grands péchés. Parce que dans Al-Kaba'ir, est-ce qu'il y a des degrés ou pas? Ou est-ce que tous les grands péchés ont le même degré? Non. Dans le hadith, Ala adulluka ala akbar al-Kaba'ir. Le Prophète, lorsqu'il s'est adressé à l'un de ses compagnons, il a dit, ne veux-tu pas que je t'informe du plus grand des grands péchés? Autrement dit, il y a des degrés dans les grands péchés, et figure dans la partie supérieure, dans les têtes de liste, Al-Yamin al-Ghamous, le fait de mentir et de jurer en mentant avec préméditation. Wala kaffarata fiha. Et c'est tellement grave qu'il n'y a pas d'expiation. C'est tellement grave qu'il n'y a pas d'expiation. Lorsqu'une personne a juré par Allah en mentant de façon préméditée et qui ensuite veut revenir sur son serment, est-ce qu'on lui dit tu fais le kafara et c'est bon? Tu affranchis un esclave, ou bien tu nourris 10 pauvres, ou bien tu jeûnes 3 jours? Est-ce qu'on lui dit ça? Non, on lui dit akhi, tu as fait un péché tellement grave que tu dois faire tauba. Pour que ton péché soit accepté, pour que ton péché soit pardonné, il faut que tu fasses le repentir avec tout ce que cela implique, de le regretter, d'avoir la conviction de ne plus recommencer et de s'en abstenir, et de s'en abstenir sur le champ. Est-ce qu'on peut demander des excuses à celui-là? Non. C'est parti des conditions. Si un haqq, si un bien matériel dans l'histoire, il doit le rendre, il doit le restituer. Et ici, il a juré pour s'octroyer le bien de quelqu'un et qu'il veut se repentir, il doit rendre le bien qu'il a saisi. Et la preuve qu'il n'y a pas de kafara, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, وَلَكِنْ يُؤَخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانِ. Mais il vous sanctionne sur ce que vous avez l'intention d'exécuter. وهذه يمين غير منعقدة لأن المنعقد ما يمكن حله. Et ceci n'est pas considéré comme Allah Azza wa Jalla dit ce que vous avez l'intention d'exécuter, et ici ce n'est pas considéré comme un serment contracté, car un serment contracté c'est celui que l'on peut ouvrir. ما يمكن حله, c'est ce que l'on peut ouvrir. Autrement dit, c'est lorsque tu jures de quelque chose de vrai. وَلَا يَتَأَتَّى فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ الْبِرُّ أَصْلًا. Or, الْيَمِينِ الْغَمُوسِ, est-ce qu'il peut être utilisé pour légitimer quelque chose? الْيَمِينِ الْغَمُوسِ, est-ce qu'il peut être utilisé pour légitimer quelque chose? Non, non. Donc il y a al-ayman al-mun'aqada, c'est un serment que tu fais, d'accord, où il y a où tu as le choix soit de le faire ou soit de ne pas le faire, et dans ce cas là tu fais al-kafara, d'accord, car le fait de ne pas le faire n'est pas un péché. Vous avez compris? Celui qui par exemple a juré, par exemple, de ne plus donner, je ne sais pas, de ne plus donner de cadeaux à ses enfants, par exemple. Est-ce que c'est obligé de donner un cadeau à ses enfants? Non. Ici, le professeur Asselam, ou ce qu'on sait en islam, c'est que celui qui a juré de ne pas faire un bien, qu'est-ce qui est le mieux pour lui? Hein? Il lui est autorisé de de ne pas le faire. D'accord ? Il lui est autorisé de suspendre son serment, mais en compensation de le kafara. Non, de faire le kafara. Et le fait qu'il s'abstienne de cela, est-ce que c'est un péché ? S'il avait continué, est-ce que c'est un péché ? Non, parce qu'à la base, c'est... Voilà. Et contrairement à Yamin al-Ramous, là, pourquoi est-ce que ce n'est pas contracté ? Car dans tous les cas, ce n'est pas légitime. Dans tous les cas, c'est quelque chose que tu ne devais pas faire. C'est pour ça que l'auteur dit « Wala yata'atta fil yamin al-Ramous il birru asla » Et Al-Yamin al-Ramous ne vient pas pour faire un bien. Ne vient jamais pour faire un bien. Pour cela qu'il n'est pas contracté. Il n'est pas possible de le dénouer. Contrairement à celui qui a juré de ne pas donner des cadeaux à ses enfants, est-ce qu'il y a possibilité d'ouvrir et de couper ce serment ? Oui. Quant à l'autre, il n'a pas la possibilité. Car à la base, c'est quelque chose qu'il a fait en voulant le mal. Soit en voulant prendre le bien de quelqu'un, ou soit en voulant faire de la perversité, ou soit en voulant trahir. Donc, un serment qui n'est pas contracté, il n'y a pas de kafara. وقال تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. Allah عز وجل dit en le sens, et ne prenez pas vos serments comme un moyen pour vous tromper les uns les autres, sinon vos pas glisseront après avoir été fermes, et vous goûterez alors le malheur pour avoir barré le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous subirez un châtiment terrible. Walakum azabun azim. Al-Imam al-Tabari rahimahullah a dit le sens du verset, c'est-à-dire la taj'alu aymanakum, ne faites pas de vos serments par lesquels vous jurez, ala annakum tufuna bil ahdi liman ahadtumuhu, à savoir que vous avez tenu vos engagements à celui envers qui vous vous êtes engagé. Dakhalan ay khadi'atan wa ghadra, c'est-à-dire par ruse et par trahison. Liyatma'innu ilaykum, afin qu'il soit tranquillisé vis-à-vis de vous. Wa antum tudmiruna lahum al-ghadr, alors que vous leur assurez et vous leur cachez la trahison. Autrement dit, n'utilisez pas le serment, ne jurez pas par Allah subhanahu wa ta'ala avec l'intention de trahir celui qui a confiance en vous, celui vers qui vous avez pris un engagement, de jurer que vous n'avez pas trahi cet engagement dans le but que cette personne soit tranquillisée vis-à-vis de vous. Alors que vous leur cachez la trahison. Et ceci entre dans Al-Yamin al-Ramous. Wa an Abdillah ibn Amr, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال Al-Kabair, Al-Ishraku billah, wa uquq al-walidain, wa qatl al-nafsi, wal-Yamin al-Ramous. Et selon Abdullah ibn Amr, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: les grands péchés sont al-ishrak billah, d'associer une autre divinité à Allah subhanahu wa ta'ala, de désobéir aux parents, de tuer une âme et de mentir et de jurer en mentant avec délibération ou avec préméditation, délibérément. Donc Al-Yamin al-Ramous vient en gravité après pour ça que l'auteur a dit elle fait partie, ce serment fait partie des plus grands parmi les grands péchés. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس بغير حق أو بهت مؤمن، أو الفرار من الزحف، أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. حديث حسن رواه أحمد في مسنده. Et selon Abu Huraira رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, il y a cinq choses qui ne comportent pas d'expiation. Il y a cinq choses qui ne comportent pas d'expiation. الشرك بالله عز وجل, le fait d'associer une divinité à Allah subhanahu wa ta'ala. D'associer Allah عز وجل, est-ce qu'il y a une expiation? Non. La seule chose à faire, c'est التوبة, c'est le repentir. وقتل النفس بغير حق, et le fait de tuer une âme sans raison juridique, sans raison valable en islam. Et également, celui qui a tué quelqu'un sans raison valable en islam, est-ce qu'il a le droit de dire, par exemple, je vais donner 100 000 euros à un pauvre, et Inch'Allah, c'est bon, je me fais pardonner? Non, qu'est-ce qu'il doit faire? Non. Deux mois consécutifs, ça c'est pour celui qui a tué par erreur. Il doit se livrer. Il doit se livrer aux autorités. Et ensuite, les autorités, vous contactez la famille de la victime, de celui qui l'a tué, et vous lui proposez trois choses. Soit la loi du talion, à savoir le meurtre par le meurtre, de tuer celui qui a tué, ou soit de demander une rançon, une caution, une somme d'argent que la famille percevra pour compenser la mort de la victime, ou bien l'afou, ou bien le pardon. Ou bien la famille dit, moi, cette personne qui a tué, on l'excuse, on ne demande de lui ni la loi du talion, ni de l'argent, libérez-le. Et là, il a le droit d'être libéré. C'est le choix de la famille. Non, là, c'est le choix de la famille. Et le juge doit appliquer ce que la famille a décidé. Donc, وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍ أَوْ بُهْتُ مُؤْمِنٍ. Non, c'est بُهْتُ. أَوْ بُهْتُ مُؤْمِنٍ. بُهْتُ مُؤْمِنٍ. Qu'est-ce que le بُهْت? Ça veut dire بُهْتَان. Comme il disait, on a déjà Badal Nas, non? Al-Bouht, c'est une accusation mensongère très très grave. Et les savants ont donné la définition de Al-Bouht, à savoir, c'est quelque chose, c'est une accusation que tu fais sur quelqu'un, tellement c'est grave, tu restes stupéfait. Car quand on te dit quelque chose de grave, qu'est-ce que tu fais? Non, tu restes étonné, et les savants disent, tu restes étonné pour essayer de t'imaginer est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est possible. Et ensuite, en réfléchissant, tu dis non, c'est pas possible. Et tellement c'est grave. C'est ça le bohut. Wa bohut mu'minin, c'est le fait d'accuser ton frère d'une chose qu'il n'a pas fait, mais de l'accuser de quelque chose de très grave. Au point que si tu dis ça à quelqu'un, il va être tellement étonné. Il va rester bouche bée, stupéfait, en essayant de s'imaginer la possibilité ou pas d'un tel acte. Et celui qui fait un tel mensonge et une telle accusation envers un croyant, c'est un péché tellement grave qu'il n'y a pas de kafara. Et ça vient après qatlun nafs. Ça vient, en termes de gravité, après le fait de tuer une personne. Ou le firar yawm al-zahf, ou bien de se sauver le jour du combat, de tourner le dos le jour du combat. Aw yaminun sabiratun yaqtati'u biha malan bighayri haqq, ou bien un serment. Sabiratun, c'est-à-dire kadhibatun. Ou bien un serment mensonger. Yaqtati'u biha malan bighayri haqq. Yaqtati'u. S'il y a deux sens, les savants disent al-iqtita' wa naw'an. Il y a deux sens de l'iqtita'. Le premier sens, c'est de prétendre ce qui n'est pas, ce qui n'appartient pas. De prétendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Ou bien, le deuxième sens, la deuxième catégorie, c'est de nier ce que l'on nous reproche. D'accord ? Par exemple, un exemple du premier cas, de prétendre ce qui n'est pas à nous. Par exemple, de dire que telle chose, elle est à moi. Telle chose, c'est la mienne, c'est pas la tienne. Là, tu prétends et tu dis, Wallahi, par exemple, cette voiture, c'est la mienne. Cette voiture, c'est la mienne. De prétendre que quelque chose nous appartient alors que elle ne nous appartient pas. Ou bien de renier ce qu'on nous reproche. Dire, tu as volé telle somme d'argent. Et il jure qu'il n'a pas, il n'a pas pris cette somme d'argent. Donc, al-iqtita, ça a ces deux sens. Le professeur Hassan m'a dit, ou bien un serment mensonger dans lequel la personne, ou dans lequel on s'octroie le bien, ou dans lequel on s'octroie un bien sans justification, dans le faux. Dans lequel on s'octroie un bien, et s'octroyer un bien, c'est soit prétendre que ce bien est à nous alors qu'il ne l'est pas, ou soit nier que l'on a pris un bien alors qu'effectivement on l'a pris. حديث حسن رواه أحمد هذا حديث جيبون apporté par أحمد dans ses sunan. C'est clair؟ طيب ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك